encore le croire. Je comprends votre scepticisme, mon cher. Il y a un tel abîme entre notre science et les enfantillages de vos semblables. Nos enfantillages? Quand je pense que vous en êtes toujours à ensemencer les nuages à la neige carbonique et à l'iodure d'argent, ou à crever les nuées d'orage à coups de canon. Mais c'est du bricolage, mon cher confrère. Nous sommes capables de reproduire à volonté et artificiellement la plupart des phénomènes naturels. Oui, mais j'aimerais des exemples plus précis. Mais j'y venais, professeur. J'y venais. Merci. Et n'en perdez pas une miette, Mortimer. Bien sûr, vous ne pourrez en faire bénéficier personne, mais avant de partir pour le grand voyage... Vous aurez eu la satisfaction de pénétrer le secret des dieux terrestres. Et votre lyrisme de pacotille ne m'émeut pas, Ulrich. Mais on verra si tu fais le flambard au moment de crotte. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous sommes encore entre savants. Merci, je vous écoute, professeur. Oui, je vous demandais un exemple précis de création de phénomènes naturels. Eh bien, en captant une formation orageuse à l'aide d'un puissant champ magnétique qui agit sur elle comme un aimant sur une aiguille, nous provoquons une pluie diluvienne, et ce, par brusque rupture de l'équilibre moléculaire des nuages. Oui, je vois. Des nuages que nous reformerons ensuite grâce aux ascendances artificielles. Pas mal, hein, Mortimer? Nous créons ou dissipons un brouillard dans le secteur de notre choix rien qu'en refroidissant ou en réchauffant certaines couches de l'air. Vous voyez, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple, en effet. Mais, professeur, l'énergie fantastique que nécessite pareille opération, où diable la prenez-vous? Pour trouver une réponse à cette question, il vous suffira de me suivre dans la salle voisine. Voyez-vous, j'appuie sur ce petit bouton et... Tout le panneau blindé s'ouvre électriquement. Tout est électrique ici. Si vous voulez me suivre, mon cher confrère. Voyez cette galerie aux parois de plexiglas surplombe un hall colossal. C'est là que vivent nos appareils créateurs d'énergie. Je crois rêver, professeur Mellock. Le professeur Mellock, Mortimer, Ulrich et Charquet avancent lentement dans une lumière verdâtre qui donne aux êtres et aux choses un aspect encore plus irréel. Dans le hall immense de fantastiques machines, des monstres luisants d'acier, de verre et de porcelaine, des isolateurs, des génératrices, des électrodes, des disjoncteurs, des câbles, des mutateurs à vapeur de mercure. Regardez, professeur Mortimer, regardez ce hall. C'est là que l'énergie qui vous intrigue tant prend sa source. Et cette énergie n'est autre que l'éclair en boule. L'éclair en boule? Oui! Le rêve du génial physicien français Gaston Planté s'est réalisé grâce à nous. Planté, le premier à penser que l'éclair en boule produit artificiellement pouvait être l'accumulateur de l'avenir. Or, pour vous et les vôtres, Mortimer, nous sommes l'avenir. Ce fameux éclair, constitué par une combinaison d'azote et d'oxygène, condensé par un puissant arc électrique, possède une température interne considérable et recèle, sous un volume insignifiant, une énergie de quelques 20 milliards de joules. Mais ça a été noué, plus de 27 millions de chevaux vapeur. Oui, capté à sa source, l'éclair est en quelque sorte stocké dans ces accumulateurs sphériques d'un type spécial que vous voyez de chaque côté du hall. Ce formidable stock d'énergie étant réalisé, il peut alimenter directement nos bazookas à ondes ultra-courtes ou, après passage par la commutatrice, nos différents émetteurs. Renversant, n'est-ce pas, Mortimer? Vous ne doutez plus maintenant, je présume. Et tout cela est commandé de ce pupitre. C'est un vrai conte de fées. Non. Nous ne donnons pas de coups de baguette. Nous appuyons sur des boutons. Oui. Vous comprenez maintenant que pour nous, provoquer des courants thermiques ascendants, augmenter le champ magnétique d'un secteur ou agir sur l'électrostatique de l'atmosphère est aussi simple que de réaliser une bombe atomique. Oui, je vois. Et dire qu'il se trouve chez nous de spécialistes qui sont encore à nier l'existence même du phénomène naturel. Vous pouvez vous approcher, Mortimer, et tout regarder. Ce n'est pas dangereux ni pour vous, ni pour nous. Le professeur Milok vous a gâté en fait d'explication, hein? Oui, je lui en sais gré, d'ailleurs. Enfin, bien que parmi ces manettes, ces boutons multicolores, ce cadran, je me sens un peu perdu. Non, mais ce n'est pas grave, puisque vous n'avez pas à utiliser ce pupitre de commande. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de découvrir l'ampleur de nos réalisations et d'en comprendre le fonctionnement. Ah, vous êtes vraiment très fort. Merci. Et je parie que si je racontais ça à mes amis, ils me croiraient fou. Oh, sans aucun doute. Mais pourquoi faire un pari stupide, Mortimer? Les révélations sensationnelles du professeur ne vous ont été faites que parce que nous savons que vous ne reverrez jamais vos amis. Ah, depuis un moment, oui, et grâce au professeur Milok, je me dis que l'impossible devient parfois possible, avec de la chance. Ah, mon pauvre ami, comme j'aimerais partager votre optimisme. Mais ma soif n'est pas encore étanchée, professeur. À votre service, mon cher confrère. Que voulez-vous savoir? Eh bien, tenez, au hasard, là, cet interrupteur noir isolé, à quoi sert-il? Cet interrupteur, c'est un... Yes. C'est... Assez, professeur! Bon sang! Vous en avez déjà beaucoup trop dit. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel, Mortimer, Maurice Nasil, Ulrich, Roger Carrel, professeur Milok, Pascal Mazotti, le général. Bruitage et imitation, Joé Noël. Chef opérateur du son, Jean-Jus Forgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemay. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité... Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 22e épisode. Pendant que ses amis Blake et Labrousse recherchent sa trace, le professeur Mortimer est toujours prisonnier à une vingtaine de kilomètres de Paris. Mais ses geôliers ne sont pas d'un type courant. Bien sûr, il y a les subalternes, Charquet, Freddy et quelques autres. Ceux-là sont de vulgaires mercenaires. Par contre, Ulrich et ses supérieurs, eux, ont beaucoup plus d'ambition. Ils veulent instaurer en Europe un ordre nouveau. Et leurs moyens scientifiques sont tout simplement terrifiants. En effet, leurs diaboliques inventions peuvent, à volonté, perturber le temps et provoquer partout les pires catastrophes. C'est en guidant Mortimer dans une gigantesque usine souterraine que l'énigmatique professeur Milok dévoile à notre ami une partie de la réalité. En découvrant la fantastique puissance de cette bande de mégalomanes, Mortimer est atterré. Cependant, et bien qu'Ulrich lui ait annoncé son exécution, l'ami de Blake ne désespère pas et il enregistre soigneusement toutes les explications techniques données par Milok. Pourtant, au moment où celui-ci va répondre à une question concernant un gros interrupteur situé sur le tableau de commande de la station pilote, un ordre bref fige Milok et Ulrich. Mortimer se retourne et voit entrer un homme dont le visage inquiétant s'orne d'une moustache et d'une barbiche noire. Professeur Milok, vous paraissez bien bavard. Mais général, juste... Et vous, colonel Ulrich, bien imprudent. Si vous permettez, mon général... Général, nous ne risquons rien, ces renseignements sont purement théoriques. Et de toute façon, le professeur Mortimer ne saurait en faire usage, puisque le colonel... Oui, en effet, général, il n'y a aucun danger qu'il bavarde. Voilà. Puisque sitôt sorti d'ici, il sera liquidé. Ce que nous lui avons révélé correspond en somme à la dernière cigarette du condamné. Quant à nous brûler la politesse impossible, voyez. Je garde sur moi la clé de ses menottes. Dans ces conditions, je colonel Ulrich, il est hors de question que cet homme soit liquidé, comme vous dites. Général, vos rancunes personnelles ne nous intéressent absolument pas. Le professeur est à nous. Il reste encore de grandes tâches à accomplir. Nous avons besoin de savants, et de celui-ci en particulier. Général, puis-je vous rappeler que cet espion m'appartient? Assez, colonel. Veuillez remettre ces clés au professeur Milok, qui répondra sur sa tête de la vie du prisonnier. Allons, obéissez. C'est bon, c'est bon. Voilà les clés, professeur. Merci, colonel. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir général, mais je crains bien que votre savant ne vous serve bien longtemps. Ouais, il va falloir s'occuper de lui. Garde, conduisez cet homme à la section D. Et vous, Milok, suivez-moi. Notre heure est venue. Mitraillette au poing, deux gardes en combinaison jaune enferment Mortimer dans une cellule. Pendant ce temps, à la DST, Blake et Pradier, qui sont revenus bredouilles de leur exploration au trou salé, tentent de renouer le fil qui les conduirait à Mortimer. C'est incompréhensible. Les derniers mots de Mortimer ont été « Je vais aller jeter un coup d'œil à l'étang du trou salé ». C'est bien ça, n'est-ce pas ? Exact. Or, celui-ci se trouve en bordure de l'aérodrome. Comment pourrait-il s'y passer des choses extraordinaires ? Oui, évidemment. Et pourtant, Pradier, je persiste à croire que l'endroit que cherchait Mortimer se trouve dans le secteur limité en gros par les étangs de la Jeunesse, les loges en Josas et ce fameux étang de Trou Salé. Mais quant à savoir ce qu'il est devenu, pauvre Mortimer. Alors, Ramon, cette carte. Vous devez la connaître par cœur depuis le temps que vous l'étudiez. Ça, pour la connaître, mais ça ne nous apprend pas où est passé le professeur. Voyons, la ferme de la Porte des Loges, la Gérinière, le parc de Buc, le château de Troussalet. What? Château de Troussalet? Oui, Troussalet. Comment avez-vous prononcé? Ben comme ça s'écrit, Troussalet, château de Troussalet. Oh, by Jove, Pradier, tout s'explique à présent. Qu'avez-vous, Blake? Mortimer n'avait emporté qu'une simple carte routière, et celle-ci ne pouvait mentionner le nom de ce château. Il l'aura demandé à un passant. Et oui, et après? En bon anglais, il aura compris Troussalet pour Troussalet. Ce qui fait que nous avons été aiguillés sur une fausse piste. Nom d'un chien. Voyons la carte ensemble. Voyons cette carte d'état-major. Château de Troussalet. Un fameux morceau, dites-donc. 2 hectares au moins, plus un étang. Vous connaissez ça, vous autres ? Oui, patron. Mon beau-frère est du patelin. Le château en question est un ancien manoir, transformé en manufacture en 1789. Puis il a connu des hauts et des bas jusqu'au bombardement de la dernière guerre. Et moi, je croyais abandonné. Pas dit. Un domaine abandonné, voilà qui constitue un excellent repère. Et aussi une position stratégique de premier ordre pour un parachutage éventuel. Tonnerre ! Regardez vous-même. Juste à côté de l'aérodrome de Toussu, oui. À moins de 2 kilomètres du camp de Satori, oui. À 4 du terrain de Villa Coublay, et à 5 du centre atomique de Saclay. Qu'en pensez-vous ? J'ai compris. Ramon ! Oui, patron ? Appelez immédiatement les CRS. Bien, patron. Allô, allô, DST à QGCRS, attention, priorité absolue. Attaque possible par parachutage aérodrome Toussus-le-Noble. Prenez disposition, nous répétons. Attaque possible par parachutage aérodrome de Toussus-le-Noble. Prenez disposition. Allô, allô, ici aérodrome Toussus-le-Noble. Appelons camp de Satori. Dispositif d'alerte numéro 1. On craint parachutage élément inconnu. Prenez immédiatement disposition. Je répète, Toussus appelle Satori. Urgence. Prévoyons attaque éléments subversifs très dangereux. Ici Satori. Appel entendu. Nous prenons toute disposition et alertons centre de Saclay. Nous répétons, consignes d'alerte sont appliquées immédiatement. Message est transmis au centre de Saclay. C'est fait, mon colonel. L'alerte a été donnée partout. Bien. Alors nous nous sommes bien compris, n'est-ce pas ? Il s'agit de cerner le château, mais sans attirer l'attention. Vous coupez la nationale 838, les départementales 117 et 91, ainsi que le chemin de la Jeunesse. Un officier attendra à proximité des arcades l'arrivée du commissaire Pradier. Bien, mon colonel. Professeur Milok, sonné. Celle de notre triomphe. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, général. Alors, allez-y. À vos ordres, général. Attention, ici professeur Milok. Attention, préparez-vous, c'est l'heure de l'attaque. Tout le monde à son poste. Garde, mettez vos masques. Attention, H-10. Je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un simple geste de Milok et d'étranges appareils sortent de terre, écartent les filets de camouflage et se dressent vers le ciel. Ce sont les terribles armes dont Milok a parlé à Mortimer, les bazookas à ondes ultra-courtes et les émetteurs d'énergie. Bien à l'abri, Ulrich, lui, attend le résultat de sa machination personnelle. Alors, Sadie, tout va bien, chef. Les deux hommes de Milok se sont laissés convaincre grâce à nos arguments sonnants. Et en ce moment, leur patron est trop occupé pour s'inquiéter de son pensionnaire. Bravo, Sadie. Dès le prochain repas de l'anglais, il nous sera facile de... Oui. Je crois deviner ta pensée, Sadie. Il nous sera facile d'assaisonner le plat de Mortimer avec ceci. Un petit sachet dont le contenu saupoudrera le... Mais je connais ton savoir-faire et je te fais confiance. Soyez tranquille, chef. J'ai un petit compte à régler avec ce type-là. Et les bons comptes font les bons amis, Sadie. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor avec Maurice Ténac, Roger Carrel, Fernand Rosena, Maurice Nazil, Robert Chandeau, Pascal Mazotti, Robert Lombard, Henri Janic, Jacques Aveline, Gaëtan Jor, Jacques Lassalle, Jacques Bretonnière et Jean-Claude Rey. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité... Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 23e épisode. Les mégalomanes qui veulent instaurer en Europe un ordre nouveau vont passer à l'attaque. Leur station pilote numéro 1 de la région parisienne est en état d'alerte. Tout est prêt pour la monstrueuse aventure et déjà des armes terrifiantes sont en batterie, entre autres les bazookas à ondes ultra-courtes. Mortimer, lui, est toujours prisonnier de cette bande et pour l'heure, il est enfermé dans une cellule au fond de l'usine souterraine d'où va partir l'attaque. Il ignore que l'heure fatidique est arrivée, comme il ignore que ses amis Blake et Pradier quittent en ce moment le siège de la DST afin d'aller surveiller la mise en place du système qui doit prévenir l'offensive des forces subversives. En dehors des inspecteurs, et pour plus de sûreté, j'ai demandé qu'un quart de CRS nous attende à la porte de Saint-Cloud. Parfait. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard. Nous sommes prêts, chef. Alors en route, les gars. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une partie de campagne. On ne va pas non plus jouer aux gendarmes ou aux voleurs. Hein. Vous connaissez l'ampleur de l'entreprise, les buts des responsables et les conséquences de leur attaque. Si elle réussit. Vous inquiétez pas, chef, tout ira bien. Oh, Blake, regardez-moi ce brouillard. Et curieusement, John, pas de doute, c'est ce qu'avait annoncé la brousse, l'attaque est bien pour aujourd'hui. Allez, en voiture, vite, tout le monde. Jamais vu ça, patron. Non, il y a vraiment quelque chose d'anormal. Pourvu que nous n'arrivions pas très trop tard. Autre chose m'inquiète, c'est l'expression bizarre des gens dans la rue. Vous l'avez remarqué, Pradier ? Oui, ça aussi est inquiétant. Ils se tordent tous de rire. Bah, pour ne pas dire complètement loufoque. Tiens, regardez ces deux-là qui dansent sur le trottoir. Là. Oh, et ce bonhomme, une rose à la main, avec son veston et son chapeau en arrière, on dirait Roger Nicolas. Dites, Vidal, vos vitres sont bien fermées, mon vieux ? Oui, patron. Oh, tonnerre ! Celui-là a bien failli passer sous les roues. Oh, Pradier, ça va mal. Mais vous avez vu, il a bondi devant le capot en nous faisant houler les cornes. Complètement cinglé. Non, on dirait qu'ils sont tous sous. Et ralentissez un peu, Vidal. Il y a déjà cet infâme brouillard. Si les passants se conduisent comme des gamins, il vaut mieux se méfier. Attention ! Oh là, l'idiot ! Il a failli nous faire déraper. Non, mais on a l'impression qu'ils sont plus conscients du danger. Des vrais mômes, quoi. Oui, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'adultes dans cet état aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, Oh, Pradier, Vidal, à gauche, vite! Ça alors, c'est le bouquet. Un autobus fou, avec une plateforme remplie de gens se tordant de rire. T'es vrai, ma boule. Ah, moi, j'y perds mon latin. Nous sommes comme vous, mon pauvre Vidal, incapables de comprendre ce qui se passe. Allô, centrale, un commissaire Pradier. Tiens, c'est la boîte qui vous appelle, chef. Centrale, un commissaire Pradier. Très important. Avertissement grave et urgent du professeur Labrousse. Bon sang. Le brouillard qui recouvre actuellement la région parisienne est toxique. Oh non. Ce gaz contient en effet un élément inconnu qui absorbe l'azote de l'air et augmente sa teneur à l'oxygène. Son inhalation provoque un accroissement de l'activité cardiaque et cérébrale. Conséquence inéluctable pour ceux qui le respirent. D'abord, une phase de bien-être, d'exaltation, qui peut aller jusqu'au délire et à la folie. Ensuite, abattement profond et inévitablement mort. Terminé. Mon Dieu. Pradier, voilà qui explique tout. Il faut alerter immédiatement tous les points vitaux et trouver d'urgence des masques à gaz. Pour les masques, ce sera facile si les CRS sont au rendez-vous à la porte de Saint-Cloud. Ils en possèdent. Quant à donner l'alerte générale, oui, eh ben, y a rien d'autre à faire. Cette fois, Vidal, foncez, tant pis pour la casse. Compris, patron. Allô, commissaire Pradier à Centrale. Allô, Centrale, ici Pradier. Entendu votre appel. Ordre, alertez immédiatement. La frégate fonce vers la porte de Saint-Cloud. Mais là-bas, un spectacle ahurissant attend Blake et les hommes de la DST. En plein milieu de la place, des CRS, hilars, prennent d'assaut un camion de primeur et se bombardent à coups de tomates avec la bénédiction joviale du chauffeur. Allez, prends celle-ci. Brigadier, vous avez raison. Tant pis, il faut y aller. Vidal, vous fermerez la portière derrière moi. Mais Pradier, le brouillard. Justement, il faut que j'aille chercher les masques dans le car des CRS. Good luck. Merci. Fais une tête. C'est à peine croyable. Vos masques tout de suite, bande d'idiots! Vous entendez? Mettez vos masques, c'est un ordre! Les masques? Et pourquoi faire? C'est pas le carnaval! Le car, vite! Ça y est. Tenez, Vidal, votre masque. Mettez-le. Et en route, vite! Merci, patron. Un pour vous, Blake. Et un pour vous, Didier. Cependant, au cœur de la station souterraine, le professeur Milok fait son rapport au mystérieux général. Général, j'ai le grand honneur de vous annoncer que l'opération est un succès total. Les rapports des autres stations sont concordants. Notre brouillard produit l'effet attendu et déjà des dizaines de milliers de personnes. Dans un des nombreux couloirs de la station pilote, deux hommes revêtus d'une sorte de scaphandre s'avancent. Et tout à coup... Stop. Un instant, camarade. Enfin, mon heure est venue. Faites vite, si on nous voyait, on pourrait... Mais ça sera pas long, voyons. Voilà. Juste le contenu de ce sachet dans la boisson de mon ami. Là. Absolument sans saveur. Et maintenant, vous pouvez porter votre plateau. Merci, les amis. À votre santé, professeur Mortimer. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Ténac, Blake, et Robert Chandot, Henri Poirier, Henri Janic, Roger Carrel, Jean-Claude Rey, Gaëtan Jor, Jacques Aveline et Jacques Bretonnière. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ces épisodes, les 21, 22 et 23, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 28 avril, 3 et 5 mai 1962. À suivre.